suci. De la grippe aviaire, à moins que ce ne soit celle du cochon, de la délinquance et de la misère, et des ados et de la prison. Il a dit qu'il faut pas s'en faire, qu'il y aura le boulot et le pognon. C'est qu'il a du vocabulaire quand il faut nous prendre pour des cons. Avant Star Academy, entre Popstar et Vie ma vie, et il a tout dit. Bien sûr, nous on n'est pas contents, et quand il vient, nous on l'attend. Mais pour détourner l'attention, il nous dit parle à mon fion. Alors parfois les mots dérapent pour quelques sujets excités. Il a la formule qui décape, perpète ma tchutchutché. Que son insultant, tu vas régler le problème des pêcheurs, et ben permets-moi de te dire, perpète ma tchutchutché, Secret Story, Star Academy, Popstar, Vie ma vie, Nicolas aussi, perpète ma tchutchutché. Sur le melon ou qu'au boulot on te fait chier, n'hésite pas, va voir ton patron et perpète ma tchutchutché. Si les impôts te cherchent des poux, si t'en as marre d'être harcelé, plutôt que de balancer des coups, dis perpète ma tchutchutché. A chaque souci, chaque tracas, quand y'a quelque chose qui te va pas, te laisse pas marcher sur les pieds, balance perpète ma tchutchutché. Secret Story, Star Academy, Popstar, Vie ma vie, Nicolas aussi.